Bonjour Mathieu, et on va commencer avec une édition un peu spéciale puisque pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous avons pu avoir la photo en direct d'un trou noir. Formidable. Mais avant de parler de cette première image d'un trou noir, le thème de l'émission du jour, première, deuxième, troisième, quatrième et maintenant cinquième génération. Depuis le 5 avril dernier, la 5G a officiellement été déployée pour la première fois dans un pays en Corée du Sud et devrait débarquer sur nos rivages européens progressivement à partir de l'année prochaine. 4G, 5G, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change à peu près tout selon les opérateurs. Ce n'est pas simplement une question de gain de puissance ou de bande passante, c'est une nouvelle architecture du réseau de téléphonie mobile, un pas vers le déploiement futur des véhicules autonomes et même au passage une économie énergétique. Alors la 5G, comment, pourquoi faire? On en parle tout de suite. « 5G pour quelques gigas de plus », c'est le programme téléphoné qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de retrouver nos invités du jour, une édition spéciale donc du Journal des Sciences, car aujourd'hui est un jour historique dans l'histoire de l'astronomie. Bonjour Natacha Priou. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et oui, on vous l'avait annoncé depuis ces quelques derniers jours, on a fait monter le suspense. L'annonce a été faite il y a tout juste une heure, à 15h heure de Paris. Le réseau de radiotélescopes Event Horizon a permis d'obtenir donc pour la première fois de l'histoire de l'humanité l'image d'un trou noir supermassif. Cette image était très attendue hein, au départ, pour resituer, hein, au départ un trou noir c'est une solution d'équation mathématique, ça n'a qu'une existence théorique, puis on a commencé à en avoir des indices et là, enfin, on a une observation directe, un siècle après Einstein. Aujourd'hui, c'est donc un moment historique, c'est aussi historique que les détections des ondes gravitationnelles en 2015. On s'attendait à ce que ce soit une image de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de notre Voie lactée. En fait, il s'agit de M87 étoile, le trou noir supermassif de la galaxie M87, qui est 1000 fois plus loin, mais surtout 1000 fois plus gros. Alors comment observer un trou noir, puisque problème, par définition, un trou noir est invisible, c'est un astre duquel rien ne peut s'échapper, ni lumière, ni matière. L'idée, c'est de réussir à voir l'ombre du trou noir, c'est-à-dire son environnement, son disque d'accrétion, lui, très lumineux. Alors, est-ce que cette image correspond au modèle de simulation numérique? À quoi ressemble-t-elle? Le suspense a assez duré, je laisse la parole à l'astrophysicien Aurélien Barraud. Finalement, si on ne savait pas de quoi il s'agit, c'est une image qui serait plutôt anodine, presque imparfaite, relativement floue et semble-t-il désuète. Et pourtant, lorsqu'on a connaissance de ce dont il est question, elle est fondamentalement émouvante en réalité. Il y a quelque chose de presque magique dans ce jeu d'ombre et de lumière qui révèle en creux, en quelque sorte, un des objets les plus mystérieux jusqu'alors de notre univers. Donc comment faire pour voir un objet très sombre dans un environnement très sombre? C'est presque une mission impossible. Et donc finalement, le trou noir va se signer, va apparaître, va se révéler en quelque sorte sur l'image, en ceci qu'il va masquer une partie du disque d'accrétion qui se trouve derrière lui, mais que simultanément, à cause de l'extraordinaire distorsion de l'espace qu'il induit, il va aussi générer ce qu'on nomme un effet de lentille, un peu à l'instar du loop ou d'un objectif photographique, et va donc en quelque sorte amplifier la lumière d'arrière-plan. Et ce qu'on observe sur cette image, où se distingue en quelque sorte un petit trou obscur entouré d'un halo de lumière inégalement réparti, c'est exactement cet effet d'ombre du trou noir par rapport au disque d'accrétion, mais aussi cet effet d'amplification et de distorsion de l'image d'arrière-plan qui est dû à ce que l'espace est lui-même courbé par l'incroyable présence d'un objet très massif. Voilà, c'est vrai qu'on a tous été un peu émus à l'image de cette première photo d'un trou noir. Il faut dire que cette image a été obtenue, Natacha, via un réseau de radiotélescopes par interférométrie, dont nous avions d'ailleurs déjà parlé dans l'émission. On est en train de vous poster un certain nombre de liens vers les émissions passées qui ont amené à cet instant sur le fil Twitter de l'émission, donc @lamethodefc. Ce réseau de radiotélescopes s'appelle l'Event Horizon Telescope. Oui, on peut saluer une prouesse technique et instrumentale. Les défis techniques ont été nombreux, à commencer par la distance. M87 étoile se trouve à 55 millions d'années-lumière de nous. Alors si on obtient cette image aujourd'hui, c'est grâce au progrès de l'observation astronomique et notamment grâce à ce programme EHT. Alors ça consiste en 8 télescopes répartis sur toute la planète qui ont été mis en réseau. C'est ça qu'on appelle l'interférométrie à très longue ligne de base. Il y a 2 ans, en avril 2017, durant 4 nuits aux bonnes conditions atmosphériques, Sagittarius A étoile et M87 étoile ont été ciblés. Les télescopes ont récolté une masse de données énorme. C'est-à-dire qu'en une seule nuit d'observation, ils ont collecté 2 pétabits de données, c'est-à-dire 10 puissance 15. Elles ont ensuite été combinées par des superordinateurs. Il fallait compter plusieurs mois pour obtenir quelques pixels d'image. 2 ans plus tard, nous avons une résolution record. L'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, a fourni une partie des instruments utilisés. Les techniques d'observation sont assez fascinantes. Frédéric Gutt est chercheur au CNRS et directeur adjoint de l'IRAM. On l'écoute. La résolution de cette image, c'est une des meilleures qu'on a jamais obtenues dans des observations astronomiques. C'est une résolution de 20 microsecondes d'arc, donc 20 millionièmes de seconde d'arc. C'est énorme. La manière de faire pour ça, donc on observe à des longueurs d'onde millimétriques, 1 mm de longueur d'onde, 230 GHz de fréquence. Et pour ça, on est obligé d'avoir des antennes millimétriques partout sur la planète, ce qui nous permet de synthétiser une énorme antenne qui aurait plus de 9000, près de 10000 km de diamètre. Et on sait que la résolution angulaire d'un télescope, c'est directement proportionnel à son diamètre. Donc là, on est sur des valeurs absolument phénoménales. C'est l'interférométrie à très longue ligne de base, pour être précis. VLBI en anglais, Very Long Baseline Interferometry. Et donc ça consiste à combiner des télescopes ou des antennes qui sont réparties aux quatre coins de la planète pour après faire de l'interférométrie. Alors, ces défis techniques ont été immenses, parce que pour faire des observations de ce type, la clé, c'est qu'il faut synchroniser absolument tous les observatoires. Il faut synchroniser aussi dans l'espace. Ça veut dire que les signaux arrivent sur chacun des observatoires avec un léger décalage, parce qu'ils ne sont pas sur le même endroit sur la planète. Et il faut corriger de ça. Quand on fait de l'interférométrie, c'est toujours quelque chose qu'il faut corriger, les délais entre les différentes stations d'observation. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, Natacha, les trous noirs sont avant tout une solution mathématique à une équation de la relativité générale. Qu'est-ce que cette image confirme justement ou infirme de la relativité générale d'Einstein ? Cette image justement permet de tester une nouvelle fois, une fois de plus, la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais aussi la théorie des trous noirs de Wheeler et celle de Hawking. Alors le fait que cette image ressemble aux dernières modélisations, ça peut avoir un côté décevant. On peut se dire qu'on fait plein d'efforts pour observer quelque chose et on ne trouve pas de surprise. Mais au contraire, en réalité, c'est très satisfaisant. Ça signifie que la théorie et les simulations sont parfaitement au point. Ces observations nous permettent aussi d'en apprendre plus sur l'horizon des événements et sur l'origine des jets de matière. Alain Riazuelo est astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. L'existence des trous noirs, je pense qu'on peut dire que c'était un fait acquis depuis quelques années. Ce que cette image montre, c'est l'activité quotidienne d'un trou noir. Enfin, on voit vraiment la matière qui spirale autour de ce trou noir, qui, au bout de quelques années, va peut-être spiraler un peu différemment si le flux de matière varie au cours du temps, etc., etc. Donc, on voit vraiment ces objets dans un contexte astrophysique, alors que pendant longtemps, c'était des objets plus théoriques parce que les moyens d'observation étaient trop limités. Du coup, vous direz que ça ouvre quoi comme piste pour l'astrophysique, de piste de recherche ? Alors, il y a deux aspects. D'abord, on va mieux étudier ces objets, on va mieux étudier ces disques de matière autour des trous noirs. Donc on a l'image du trou noir de la galaxie M87. Il est probable qu'on ait assez rapidement les images d'un autre trou noir, celui de notre propre galaxie. Donc on verra déjà deux objets, on l'espère, aller sous des angles différents. Donc ça va permettre de mieux comprendre tout ça. Ces deux objets évoluent sur des échelles de temps différentes. Donc sur les échelles de temps courtes, c'est le trou noir de notre galaxie qui est intéressant. Sur des échelles de temps plus longues, on va plutôt regarder celui de la galaxie M87. Et puis, on a réussi à fabriquer un outil qui permet de faire des images à très haute résolution. Et donc, il y a quantité d'autres objets astrophysiques qu'on va pouvoir étudier par cette technique. Voilà cette édition spéciale du Journal des Sciences consacrée à cette image, cette première image de l'histoire de l'astronomie, de ce trou noir M87 étoile, ce trou noir supermassif. Vous pouvez bien évidemment continuer, on va en parler à nouveau tout au long bien de la semaine et des jours qui viennent sur France Culture. Je vous renvoie au dossier très complet que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr, où vous trouverez tout un tas de liens et toutes les émissions que nous avions consacrées bien au trou noir en règle générale, puisque nous recevions il y a 10 jours à peine Jean-Pierre Luminet, qui est l'un des artisans justement entre autres de cette image et de ce programme autour de Event Horizon Telescope, mais aussi l'émission que nous avions consacrée à Sagittarius à étoiles et j'en passe. Tout ça c'est sur franceculture.fr. et puis je le précise encore une fois, c'est une journée chargée en science, hein, puisque ce soir sera annoncée une autre découverte très importante en paléontologie cette fois. On vous en reparlera bien sûr dans le Journal des Sciences de vendredi. En attendant, si vous voulez des indices sur cette prochaine annonce qui devrait tomber à 19h, eh bien vous pouvez réécouter l'émission que nous avions consacrée assez récemment à l'homme de Flores. On vous met là aussi le lien sur le fil Twitter de l'émission et on en reparle dès vendredi dans le prochain Journal des Sciences. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h11, nous revenons donc à notre sujet du jour, la 5G déployée en Corée du Sud depuis quelques jours à peine, le 5 avril dernier, bientôt partout en Europe, dans le courant de l'année prochaine très certainement, pour parler des implications techniques, économiques et environnementales également de ce nouveau réseau. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Sibyl, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Télécom Paris Tech. Vous êtes également secrétaire général d'Urci France, qui est une société savante sous l'égide de l'Académie des Sciences. Et bonjour, Emilio Calvanes Trinati. Bonjour, Nicolas. Vous êtes directeur scientifique recherche et innovation dans le domaine télécommunication, sécurité et capteurs innovants au CEA Leti. Vous pouvez suivre, comme d'habitude, vous le savez maintenant, hein, cette émission via notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous allons poster un certain nombre de liens tout au long de cette heure. Mais pour commencer, comme toujours, nous avons cédé à la tentation de remonter le temps. Alors d'habitude, vous entendez ici des archives lointaines de 1950, parfois même un peu avant. Là, nous sommes remontés finalement beaucoup plus tôt, une petite trentaine d'années à peine, en 1990. C'était l'apparition des tout premiers réseaux de téléphonie mobile en France. Écoutez. Et bientôt en France, tous ceux qui ne peuvent se passer du téléphone auront une occasion supplémentaire de s'adonner à leur plaisir favori. En effet, on prévoit l'arrivée du téléphone sans fil d'ici 3 ou 4 ans, un téléphone portable, pas plus gros qu'une calculette, qui permettra de téléphoner de n'importe où dans la rue, exactement comme à Hong Kong, comme ceux qui ont la chance de connaître. Reportage Valérie Benaïs. Une cabine téléphonique dans la poche, le combiné sans fil pointel permet d'appeler en correspondant à condition de se trouver dans un rayon maximum de 200 mètres autour d'une borne reliée au réseau téléphonique. Actuellement, 9 de ces bornes avec antenne sont implantées dans Valence et une trentaine d'utilisateurs témoins testent le téléphone portatif, un nec de la communication issu de la technologie britannique. Le marché européen du téléphone mobile numérique devrait représenter 50 millions de postes dans les 10 ans. Les premiers essais techniques et commerciaux effectués par la direction des télécoms à Valence pourraient laisser croire que les industriels français sont en mesure de s'engager sur les créneaux. Ça a l'air d'être une autre époque, un autre temps. C'était hier, Alain Sibyl, votre réaction à ce reportage? Ma réaction, c'est que c'était effectivement les débuts de la téléphonie pour tout un chacun, parce que avant, ça existait déjà. C'était le système Radiocom 2000 qui faisait appel à des équipements très lourds dans des voitures. Ça coûtait évidemment très cher. Et cette toute première génération, évidemment, il lui a succédé de nombreuses générations. C'est vraiment le thème de l'émission. Et je crois qu'on a eu des progrès constants et on est un peu aujourd'hui, dans le cas de la 5G, dans la continuation de ces progrès. Emilio Calvanes Trinati, votre réaction à cette archive? Je trouve, en fait, si on pense que tous les 8 ans, on change de génération, et tous les progrès qu'on a fait, je suis vraiment impressionné. Et déjà, en fait, si on pense qu'aujourd'hui, on parle des 5G, qu'on n'a pas encore vraiment découvert tout le potentiel de la 4G, on se rend compte que le monde est en train de changer rapidement. Alors on posera justement la question de la succession de ces générations les unes après les autres, mais peut-être déjà pour comprendre, c'est quoi la différence, Alain Sibille, entre première génération, c'était les radiotéléphones dans les voitures, ce que vous mentionnez à l'instant, la deuxième génération, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage, ça a été l'accès au grand public du téléphone portable, puis il y a eu la 3G, puis la 4G, la 5G aujourd'hui, à chaque fois c'est quoi? C'est qu'on gagne juste de la puissance de la bande passante? Au tout début c'était simplement pour parler, voilà, c'était le mode de la phonie. Ensuite, il est arrivé assez rapidement un mode qu'on a appelé le GPRS, qui était un mode data. Ça pouvait permettre peut-être commencer à changer des petits fichiers, par exemple, mais c'était extrêmement limité. Il y a eu une première étape importante, c'était au début des années 2000, finalement, avec la 3G. Et ça, c'était Internet, l'accès à Internet. Mais c'était encore des débits relativement limités. Et puis la 4G, bien sûr, là, ça a commencé à apporter il y a un saut qualitatif et quantitatif. Voilà. Et donc, c'est un petit peu toute cette progression, à la fois des services et puis de la facilité d'accès à ses services. Emilio Calvanestrinati, c'est vraiment juste la bande passante qui augmente à chaque fois, ou est-ce que le réseau s'est transformé lui-même au fur et à mesure de ces différentes générations? Effectivement, ça dépend des générations. Jusqu'à la quatrième génération, on a surtout cherché d'augmenter le débit. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que cette opportunité de communication n'est pas uniquement pour l'humain. C'est-à-dire en fait qu'aujourd'hui, on s'adresse beaucoup aux objets connectés, qu'ils ont d'autres demandes. C'est-à-dire en fait que l'être humain peut attendre un certain temps avant d'avoir une communication, que par contre un objet connecté, un robot qui fait une mission critique pour l'environnement par exemple, il a besoin des latences moins importantes. Par exemple, vous pensez à quoi? Quel type de robot? Si on pense par exemple à la chirurgie à distance, donc la robotique qu'on utilise aujourd'hui pour qu'un chirurgien puisse opérer à des milliers de kilomètres de distance, effectivement là on ne peut pas attendre une seconde, 10 secondes, déjà 10 minutes ça peut être très, très long, et donc du coup on a besoin d'un support en fait comme la 5G pour pouvoir être court en latence. Et le deuxième problème, c'est aussi la fiabilité de la connexion. C'est-à-dire en fait qu'on ne peut pas perdre la connexion. Combien de fois en prenant le TGV, on perd la connexion? Alors, on verra tout à l'heure les applications. Oui, Alain Sibille, vous voulez réagir? Oui, juste, il y a un terme qu'on a employé il y a quelques années, justement en préparation de la chaîne, qui était assez sympathique, je trouve, c'était l'Internet tactile. Donc, c'est vraiment cette idée-là. On a quelque chose qui est tellement réactif qu'on, c'est comme si cet objet, ce système, à grande distance, il était tout à côté. Et ça, bien sûr, ça ouvre des tas d'applications, et en particulier celles qui ont été citées. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment on passe d'une forme du réseau d'une génération à une autre? Cette augmentation du débit, elle vient d'où? Elle n'est pas magique, il se passe quelque chose. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit rappel sur ce que sont les fréquences, quelles sont les fréquences qui sont utilisées et pourquoi certaines fréquences permettent une plus grande bande passante que d'autres, Alain Sibille. Oui, disons que c'est assez simple finalement. Les fréquences basses, elles ont un grand intérêt, c'est qu'elles permettent de communiquer assez loin. Alors de quoi on parle, de fréquences basses, c'est-à-dire Par exemple pour le GSM, c'est des fréquences de type 800 MHz. Bon, on s'intéresse aussi, alors dans certains pays, à 400 MHz, c'est encore plus bas. Dans les réseaux typiquement de 4G actuels, on est en général en dessous de 3 GHz. Et dans ce qui est en train de se préparer pour la 5G, c'est également dans cette bande de 3 GHz, mais c'est aussi bien au-delà. Et quand on va au-delà, quand on monte et monte beaucoup en fréquence, il se trouve que ce qu'on appelle le spectre est beaucoup moins utilisé, il y a beaucoup plus de disponibilité, et en gros, il y a une relation qui est très simple, qui est due à un physicien qui est à la base des communications, c'est Claude Shannon, et tout simplement, il explique que entre le débit qu'on a et la largeur de bande, il y a une relation qui est linéaire, et c'est pour cette raison-là qu'on monte en fréquence en ayant beaucoup plus de spectre disponible et donc beaucoup plus de débit disponible. Pour donner juste un titre de comparaison, les ondes radio, celles sur lesquelles nous parlons aujourd'hui, c'est quel type de fréquence? Par exemple, le GSM, ça démarre à 800 MHz, c'est 800 millions d'oscillations par seconde. Et quand on parle du millimétrique, c'est par exemple 28 GHz, c'est 28 milliards. Comment est-ce que du coup, quelles vont être les principales différences entre la 4G et la 5G, outre encore une fois l'augmentation significative du débit, puisqu'on passe à un niveau d'échelle supérieure? Ça n'est pas juste, je disais le titre comme forme de clin d'œil, quelques gigas de plus. Non, on passe vraiment exponentiellement à la catégorie du dessus. En fait, au sujet du débit, en fait, on augmente d'un facteur 10, voire un facteur 100, le débit qu'on a. C'est-à-dire, en fait, qu'on peut vraiment accéder à des types de services qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, on peut télécharger des films sur Netflix en étant sur un téléphone portable, sur un train. On a aussi d'autres choses qui ne sont pas uniquement le débit. C'est-à-dire, par exemple, c'est le support de la mobilité. C'est le fait qu'on est capable de couvrir le territoire de façon plus importante. Donc, on lutte contre la fracture numérique, comme on appelle, etc. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on peut mieux couvrir le territoire, du coup, Emilio Calvanes Trinetti? Parce qu'en fait, dans la 5G, on commence sérieusement, ça sera pour une deuxième phase de la 5G, à considérer aussi l'intégration de satellites. Dans la communication, et donc ça nous permet aussi de couvrir des zones qui ne sont pas rentables en couverture par un opérateur classique parce qu'il y a une très faible densité de population. Donc c'est parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'aujourd'hui il faut rappeler que pour la 4G il faut des relais, ces fameuses antennes relais que l'on voit un peu fleurir partout dans les villes, dans les campagnes, et c'est vrai que quand il n'y a pas d'antenne relais, quand on est loin d'une antenne relais, ben, du coup on perd du réseau, on est au bord de la cellule. Expliquez-nous ça, Alain Sibylle. Oui, le problème c'est le problème du dernier kilomètre qui est bien connu dans le domaine des télécommunications, et dans les zones très denses, les grandes villes, ben, en gros, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on va dans les campagnes, et c'est là un peu la fracture numérique, elle est là. Donc, c'est vrai que ça peut se faire comment? Eh ben, ça peut se faire soit par la fibre optique, mais ça coûte très cher à déployer. Bon, il y a beaucoup d'investissements qui sont actuellement. Mais il est vrai aussi que la 5G, elle peut, dans certaines situations, faciliter les choses. Pourquoi? Parce qu'on peut remplacer un lien optique par un lien radio, un lien à très haute fréquence, et donc ce kilomètre-là, au lieu d'être obligé de creuser des tranchées, en quelque sorte, on se contente de mettre des antennes debout. Donc, pour un certain nombre de situations, eh bien, ce facilitateur-là, en particulier au travers de la 5G, peut nous aider à pénétrer un peu plus facilement le territoire et donner l'accès, un accès haut débit, à des personnes qui l'ont plus difficilement. Emilio Calvanes-Trinetti. Un exemple, c'est par exemple ce qu'elle fait aujourd'hui Verizon, l'opérateur américain aux États-Unis. En fait, ils ont, au lieu de déployer la fibre sur un territoire large comme aux États-Unis, ils sont en train de faire une connexion millimétrique à 24 GHz pour la population, pour amener la fibre radio aux utilisateurs. Alors justement, ce qui est peut-être intéressant, comment se fait-il et comment est-ce que on explique techniquement le fait que aujourd'hui ce réseau 5G, il peut être déployé par satellite alors que le réseau 4G ne l'était pas? Alain Sibylle. Alors, en fait, c'est une question d'interconnexion. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, bon, effectivement, un segment spatial ou un segment terrestre. Il se trouve que la 5G, elle va être beaucoup plus hétérogène que les réseaux jusqu'à présent. C'est-à-dire hétérogène? Hétérogène en ce sens que, par exemple, la 5G va permettre de coopérer plus efficacement qu'aujourd'hui avec des réseaux Wi-Fi. Voilà. Et donc, dans certaines, ce qu'on appelle des releases, disons, des évolutions du standard, eh bien, il sera beaucoup plus facile avec un dispositif donné d'utiliser à la fois des ressources Wi-Fi qui sont gratuites, qui sont non licenciées, et puis des réseaux cellulaires comme les réseaux de type 4G ou 5G. Eh bien, c'est un petit peu la même approche dans le cas de l'association entre des réseaux, disons, satellites et des réseaux terrestres. Un changement de taille avec justement l'utilisation de ces bandes qu'on appelle millimétriques, c'est que du coup, on ne peut pas utiliser en fait le réseau d'antennes 4G. Il va falloir redéployer complètement et augmenter le nombre d'antennes relais, si j'ai bien compris, Emilio Calvanes-Trinetti. Tout d'abord, on va utiliser aussi le réseau 4G. Donc en fait, on va simplement ajouter de la capacité avec des nouvelles antennes. Et du coup, effectivement, vu qu'on travaille sur des fréquences différentes, on a besoin des objets différents pour communiquer, des antennes différentes. Ces antennes différentes parce que justement c'est lié En fait, la taille de l'antenne dépend de la fréquence avec laquelle on communique. Donc l'antenne, elle est optimisée, elle est faite pour la fréquence spécifique qu'on utilise. Et d'ailleurs, on a des antennes beaucoup plus compactes, beaucoup moins invasives au niveau de l'environnement aussi. Comment ça? Parce qu'en fait, une antenne, elle est... Plus haute la fréquence qu'on utilise pour communiquer, plus petite l'antenne. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, on est capable d'avoir plusieurs dizaines, voire des petites centaines d'éléments dans une antenne millimétrique. Que si on faisait la même chose sur une antenne classique aujourd'hui de la 3G au 4G, on aurait un facteur de forme très grand. C'est-à-dire en fait qu'on pourrait être de l'ordre d'un étage, en fait. Alain Sibylle, sur cette multiplication des sources et des réseaux, je crois qu'il y a quand même une sorte de changement de paradigme important. Hein. C'est-à-dire qu'on lit que la 5G constitue pas juste une amélioration, mais que c'est vraiment une forme de ce qu'on appelle un peu dans le langage néo-marketing des télécommunications, une innovation de rupture qui va en fait vraiment basculer sur une autre forme, sur une autre structure du réseau. Oui, c'est-à-dire, en fait, on va à la fois utiliser, selon les cas, des fréquences basses et des fréquences hautes. Et donc, comme l'expliquait Emilio, en fait, quand on est sur des fréquences plus élevées, on a des cellules qui sont naturellement plus petites, parce que la propagation est plus courte. Et donc, il va falloir densifier le réseau. Quand on parlait tout à l'heure de l'augmentation de la capacité au cours des générations, il y a deux facteurs qui sont responsables de ça. C'est effectivement, d'une part, la disponibilité de la bande, donc c'est du spectre disponible, mais aussi des cellules plus petites. Parce qu'en gros, c'est assez simple, plus on a des cellules petites, plus proportionnellement, on peut réutiliser les fréquences, et donc globalement, sur un territoire donné, on a une capacité élevée. Et donc, il va falloir, quelque part, dans ce réseau 5G, savoir exploiter à la fois des fréquences basses avec des cellules relativement grandes, et des fréquences élevées avec des cellules relativement petites. Donc ça, c'est quand même, c'est ce que j'appelais les réseaux hétérogènes de tout à l'heure, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais qui simplement, de génération en génération, prend une ampleur de plus en plus grande, et complexifie effectivement l'architecture du système. Emilio Calvanestrinati. Il y a aussi un effet très intéressant, c'est-à-dire en 4G, un des problèmes plus grands qu'on a eu, c'était de faire front à l'interférence. C'est-à-dire, en fait, on déployait un réseau, même dense, mais en fait, on avait que les signaux s'étaient mélangés entre eux, donc on avait des problèmes d'interférence, on ne pouvait pas forcément avoir le signal que vous voulez recevoir. Pourquoi est-ce que les signaux se mélangeaient? Après, je peux faire un exemple. Pensez, vous êtes invité en fête chez quelqu'un, vous êtes le premier arrivé. Vous parlez avec la personne que vous invitez, vous êtes deux, vous parlez normalement, calmement. Voilà. Après, il arrive d'autres personnes, vous commencez à faire un groupe, de façon polie, chacun parle à son tour. Après, il arrive d'autres personnes, il y a un autre groupe à côté de vous, qui commence à parler. Ben, en fait, eux, ils parlent à côté de vous, vous commencez à hausser la voix, parce que vous n'entendez pas trop les gens de votre groupe, eux, ils commencent à hausser la voix. Arrivent encore des personnes, il y a un autre groupe, tout le monde hausse la voix. Et c'est ce qu'on appelle l'effet fête. Party effect, c'est-à-dire en fait tout le monde commence à crier et personne s'entend. Ça c'est un problème qu'on a vécu dans la 4G et en fait on a trouvé des solutions, le coordination multipoint comme on l'appelle. Mais en fait en 5G, la beauté de la radio millimétrique, c'est vu son défaut de courte portée, aussi on interfère moins. C'est-à-dire en fait on a moins des voisins et du coup ça nous permet effectivement de densifier le réseau sans déranger les autres. Et en plus vu qu'on peut faire des antennes petites, on peut faire assembler plusieurs antennes, être plus directif dans la communication, et donc du coup, on a moins des points du réseau dans lesquels on va interférer. Si je comprends bien, par ailleurs, effectivement, l'une des différences avec ces ondes millimétriques, c'est qu'avant, dans la 4G, c'était des ondes qui étaient émises à 360 degrés. Là, on peut avoir des faisceaux directionnels, et donc en densifiant le réseau, on peut avoir finalement une meilleure réception, ou en tout cas un signal plus dirigé à un Sibyl. Pas forcément 360 degrés, souvent c'était les stations de base étaient sectorisées, mais c'était typiquement 120 degrés par exemple. Effectivement, le fait qu'on travaille à des fréquences relativement élevées, comme l'a expliqué Emilio, que la longueur d'onde est petite, ça permet de faire des entailles de taille modérées. Et du coup, on peut mettre beaucoup d'éléments. Or, il y a une relation relativement directe entre le nombre d'éléments et la finesse du faisceau. Donc quand on parle de MIMO massif, hein, c'est le terme qui est employé très couramment, eh bien c'est une centaine ou quelques centaines d'antennes sur un panneau qui peut être relativement petit, et du coup, toute l'électronique qu'il y a derrière va permettre simultanément, et c'est ça qui est très intéressant, de pointer vers un certain nombre d'utilisateurs qui ne seront pas tout à fait au même endroit. Et ça, c'est la finesse de ces faisceaux qui le permet. Donc d'une part, à une puissance totale donnée, on peut communiquer avec un certain nombre d'utilisateurs relativement importants, et effectivement, du fait que ces faisceaux sont fins, un faisceau donné ne va pas interférer avec un autre utilisateur qui n'est pas dans la même direction. Donc ça, c'est un vrai saut également qualitatif et quantitatif par le fait d'utilisation de ces antennes de taille raisonnable, mais avec un très grand nombre. À quoi étaient dévolues ces longueurs d'onde auparavant? Parce que j'ai toujours un peu, et puis quand on en a parlé autour de cette table, on a toujours dit que finalement, surtout le réseau des ondes radio, tous les secteurs étaient occupés par les militaires, par les télécommunications, par le Wi-Fi, par la radio, par les appels de secours, etc. Ces secteurs-là, qui vont être aujourd'hui utilisés par la 5G, ils servaient à quelque chose auparavant, ou est-ce que c'était libre en attente d'utilisation? Alors, il faut voir qu'effectivement, quand on regarde une charte des fréquences, elle paraît extrêmement touffue. Après, bon, les militaires, effectivement, étaient des grands consommateurs, et il est clair que eux, bah, quelque part, ils doivent laisser un peu la place, bon gré mal gré, pour les besoins civils, qui sont effectivement économiquement extrêmement importants. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on monte en fréquence, ça fait appel à des technologies, dont les performances sont ce qu'elles sont, des composants électroniques, c'est quelquefois coûteux, ce qui fait que ce qui petit à petit devient faisable aujourd'hui, technologiquement et économiquement, avec des transistors qui montent à des dizaines, voire plus de gigahertz, ne l'était pas il y a quelques années. Donc, il y a aussi le fait que la faible utilisation de ces fréquences-là, c'est parce que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup moins intéressant par le passé, et maintenant, ça le devient du fait de la généralisation des communications sans fil. Une autre question, toujours à propos de ces ondes millimétriques, j'ai lu, alors j'aimerais vous entendre à ce propos-là, Emilio Calvanestrinati et Alain Sibyl, que les ondes millimétriques ont un autre défaut, outre leur courte portée, c'est qu'elles sont beaucoup plus facilement absorbées, que ce soit par l'eau, l'oxygène, qu'elles traversent moins facilement les obstacles denses. C'est une réalité, comment la contourner? En fait, effectivement, on a un problème de propagation avec les ondes électromagnétiques et les ondes millimétriques, c'est-à-dire en fait que on passe mal les obstacles. C'est-à-dire en fait que si on prend par exemple la radio, les ondes radio, on peut passer les montagnes, qui en fait avec une onde millimétrique, on peut même pas passer la main, une bouteille, un caillou, parfois, etc. Donc c'est-à-dire en fait qu'on est obligé d'être un lien direct de communication. Et donc, en fait, limite effectivement le champ des possibilités de communication. En même temps, ce qu'on fait, on peut effectivement déployer des antennes dans des endroits stratégiques et on peut pointer exactement où on veut communiquer. Donc, en fait, on fait plus, on a une communication à 120 degrés comme c'était auparavant, mais on cible exactement dans la direction voulue. Ça va tout de même poser un problème de réception dans les bâtiments ou comment ça va se passer en fait à l'incivil? Oui, mais j'ai un exemple très très simple parce qu'il se trouve que j'ai encadré une thèse très récemment qui a été soutenue il y a peu de temps, donc c'était dans un des laboratoires de recherche d'Orange d'ailleurs, pour ne pas le citer. Et en fait, ils se sont aperçus que les fenêtres maintenant, qui sont souvent thermiques, elles contiennent une petite pellicule métallique, qui évidemment est intéressante du point de vue thermique, mais qui bloque un peu les ondes. Donc il est clair qu'il y a des difficultés. Après, pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Emilio, ces effets de masquage et d'obstruction sont là. Et donc, quand on a la capacité d'avoir une communication en vue directe, eh ben c'est beaucoup plus facile que si on a des causes d'obstruction. Et donc, qu'est-ce que c'est la vue directe ? Ça peut être par exemple des liaisons entre ce qu'on appelle les stations de base et puis un cœur de réseau. Voilà, parce que il faut qu'une fois que les signaux sont arrivés à cette station de base, eh bien après il faut qu'ils aillent vers le réseau, vers Internet, etc. Et ça se fait parce qu'on appelle du backhaul, c'est un terme technique, mais utiliser justement ces ondes millimétriques avec des antennes qui sont en vue directe, eh bien effectivement, on n'a pas ce problème de masquage. Si on veut l'utiliser vers un utilisateur qui est en mobilité, par exemple, là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle une des raisons pour lesquelles ces ondes millimétriques ne seront pas utilisées de façon aussi générale que les ondes à plus basse fréquence. C'est-à-dire en complément avec la 4G. 4G, oui, tout à fait, effectivement. Mais disons que c'est plutôt du relativement courte portée. Donc, si on veut de l'accès à très très haut débit, eh bien, c'est possible, mais en faisant attention, effectivement, à cette directionnalité, à ces effets de masquage, et puis à une distance qui ne peut pas être extrêmement élevée. Emilio Calvanestrinati. En fait, quand même, en même temps, on sait aussi suivre des objets en mouvement. Par exemple, en 2018, pendant les Jeux Olympiques d'hiver, on a fait des démonstrations. Mmh. On a montré qu'un bus en mouvement... En Corée du Sud, exactement. Mmh. On a montré qu'un bus en mouvement, qui allait à 80 km par heure, il peut être suivi par des antennes qui, en fait, faisaient vraiment des poursuites du bus. Il peut livrer jusqu'à 5 gigabits par seconde de communication. Qu'est-ce que ça veut dire, 5 gigabits par seconde? On était capable de montrer une vidéo à haute définition, un vidéo 360 degrés. La question, du coup, que pose tout, que ce soit cela, que ce soit la courte portée, etc., ça veut dire qu'il va falloir tout de même déployer pour pouvoir avoir cet accès-là. Alors, avec la question évidemment de la couverture satellite, un réseau extrêmement dense d'antennes, ça veut dire des antennes tous les quelle distance, enfin que combien d'antennes il va falloir implanter. On a une idée de cela, Alain Sibille? Oui, enfin il faut savoir que, enfin c'est pas nouveau. Je veux dire, quand on est en race campagne, eh ben on sait très bien que les pylônes ils sont écartés d'un certain nombre de kilomètres, même aujourd'hui, et même depuis la 3G et avant. Alors que quand on est en ville dense et qu'on a beaucoup d'utilisateurs, et bien on parle de microcellules. Donc on est toujours dans cette continuation-là, et même dans le cas de la 4G et 4G, on parlait déjà de femtocellules et de picocellules. Donc on est simplement dans la continuation, mais quand même un petit élément dont il faut être conscient aussi, un des avantages de ces antennes à beaucoup d'éléments, le MIMO massif, eh bien, c'est le fait que, du fait qu'on a du gain qui est lié à la directivité, une puissance à l'émission donnée va permettre d'aller plus loin. D'accord? Et donc, on n'a pas, une des raisons, une des motivations de ces antennes MIMO massif, plutôt que d'avoir une densification forcenée qui est nécessaire si effectivement les antennes rayonnent dans toutes les directions. Emilio Calvanestrinati. En fait, il faut quand même comprendre que ça va être un déploiement progressif et là où on a besoin. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas déployer des antennes partout, uniquement là où il y a une forte demande. Et ces antennes ne seront pas actives tout le temps. Elles seront actives uniquement quand la demande elle est là. Mais ça ne va pas plutôt dans le sens d'une fracture numérique, de se dire qu'on ne déploie que dans les endroits qui sont finalement très densément peuplés, plutôt que ce que vous me disiez tout à l'heure, à savoir au contraire une couverture beaucoup plus vaste de ces zones blanches qui restent encore à couvrir sur les territoires? En fait, on aura plusieurs types de connectivité en 5G. On a une couverture donnée par des fréquences plus basses, qui sera être un peu plus sous la le territoire au sens large. Et après, il y aura des zones, comme par exemple à La Défense à Paris, ou d'autres endroits où on a vraiment une demande forte des débits, où une couverture classique 5G, première vague, ne sera plus suffisante. Et donc, on va déployer, on va densifier le réseau là-bas pour avoir plus de capacité pour les utilisateurs. Quand on se quitte et que tu me téléphones, j'ai de la peine pour des tas de raisons. Ça me désole que ta voix me résonne dans l'oreille et que tu sois pas là. Puis tu parles trop près de l'écouteur, je sais que tu m'aimes, mais crie pas si fort. Tu appelles quand je travaille ou je dors, c'est à croire que tu choisis l'heure. Téléphone si t'en as envie, mais je t'en prie, pas à moi quand tu bafouilles. Écris-moi, raconte-moi ta vie, mais tu sais, ça suffit, tu penses à moi. Quand ça sonne, j'ai un coup au cœur. Ça m'agace, je crois que c'est encore toi. Sept coups de téléphone pour une seule personne en une heure, ça fait beaucoup trop. La voix de Juliette Gréco à 16h35 sur France Culture, la complainte du téléphone, puisque nous parlons du déploiement du réseau 5G tout au long de cette heure. Je vous renvoie une fois de plus, si vous nous rejoignez maintenant, au Journal des Sciences spéciales que nous avons réalisé tout à l'heure en ouverture de cette émission sur autour de cette annonce et surtout de cette magnifique image, la première photographie de l'histoire de l'humanité d'un trou noir super massif M87 étoile. On en a parlé au tout début de cette émission dans le Journal des Sciences de Natacha Triou. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur franceculture.fr. Revenons à nos moutons, revenons à nos téléphones, revenons à la 5G. Nous en parlons avec Alain Sibyl, qui est professeur à Télécom Paris Tech, et Emilio Cavanes-Trinati, qui est directeur scientifique, recherche et innovation au CEA Leti. Mais comme tous les mercredis, aux alentours de 16h30, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, un scientifique qui vient de présenter ses travaux de recherche et de thèse tous les mercredis en quelques minutes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maël Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse CIFRE entre l'Université Versailles-Saint-Quentin et Nokia Bell Labs France. Le titre de vos travaux, Paradigme d'ordonnancement et de routage pour l'absence de contention dans un réseau dans un contexte 5G et au-delà. Bienvenue donc à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors donc je vais vous présenter mes travaux de thèse. Alors pour ça, je vais d'abord introduire le fonctionnement des réseaux mobiles, des réseaux cellulaires. Alors, quand on passe un appel ou qu'on se connecte sur Internet avec notre téléphone, le téléphone communique avec une antenne radio. Cette antenne radio, elle est connectée à un centre de calcul. Et ce centre de calcul lui-même est connecté au réseau opérateur afin de pouvoir donc interagir avec les autres centres de calcul de cet opérateur-là ou alors carrément interagir avec les réseaux des autres opérateurs. De cette façon, on va pouvoir connecter plusieurs mobiles de plusieurs opérateurs différents ou carrément se connecter à un serveur quand on va sur Internet depuis notre téléphone. Alors, dans ma thèse, je m'intéresse principalement au réseau qui se situe entre l'antenne et le centre de calcul, réseau qu'on appelle réseau frontal. L'objectif qu'on voudrait faire, un des objectifs dans la 5G, ce serait de déplacer les ordinateurs qui se trouvent au pied des antennes à l'intérieur des centres de calcul, et de façon à pouvoir déjà faire des économies d'énergie et pouvoir faciliter la maintenance, etc. En fait, on appelle ça le cloud, c'est déjà assez à la mode. On utilise presque tous déjà le cloud tous les jours pour écouter de la musique sur Spotify, par exemple, Deezer, regarder des vidéos, Netflix, YouTube, etc., stocker des données. Donc, le centre de calcul et les antennes échangeraient des messages, ok, qui contiendraient les données radio. Et ces messages qui sont échangés, ils sont à la fois très nombreux et très gros, et ils ont une forte contrainte de temps de trajet. Donc l'objectif dans ma thèse, ça va être de réduire le plus possible ce temps de trajet que j'appellerai latence, hein, qu'on définit comme latence. Pour comprendre pourquoi ça pose problème, je vais essayer de comparer un réseau classique au réseau routier. Quand on a deux routes qui se rejoignent sur une même route et que des voitures arrivent en même temps des deux routes, forcément, on a des feux rouges ou des stops de façon à faire attendre une des deux voitures pour que l'autre passe et qu'il n'y ait pas d'accident. C'est la même chose dans les réseaux que dans nos réseaux. Quand deux messages essayent d'utiliser un même lien de sortie, il y en a un des deux qui est mis en file d'attente, et donc de façon à pouvoir faire passer les deux l'un après l'autre. Inévitablement, ça va rajouter donc de la latence au message qui est mis en file d'attente. En fait, cette façon donc de gérer les messages pose régulièrement problème, même dans la vie de tous les jours. Par exemple, sur des réseaux, même quand on a une très bonne connexion chez nous, on peut mettre plusieurs secondes à charger une simple page Wikipédia, alors qu'avec cette même connexion, parfois, on est capable de regarder des vidéos HD en streaming, etc. En fait, il faut bien séparer ces deux phénomènes. Il y a une différence entre la latence, donc le temps qu'on met à recevoir la réponse, comme quand on veut charger notre page Wikipédia, et la quantité de données qu'on veut faire passer. Si je reviens à mon réseau routier, par exemple, si je prends deux autoroutes à l'heure de pointe qui se rejoignent sur une même autoroute, on va toujours avoir des embouteillages si on ne fait rien. Donc, dans la plupart des réseaux, les messages sont envoyés de façon un peu incontrôlable par les utilisateurs. Donc c'est donc très compliqué de les organiser et de vouloir dire, de vouloir faire quelque chose. En revanche, dans nos réseaux à nous, entre les antennes et centres de calcul, j'y reviens, on a des informations non seulement sur le nombre de messages qui passent, sur la taille des messages, et aussi on a une capacité de faire quelque chose sur la date à laquelle on envoie nos messages. Donc, dans ma thèse, l'objectif est donc de planifier les dates à laquelle je vais dire au message de partir, de façon à ce qu'il ne se croise pas dans le réseau. Et donc, si j'en reviens, pareil, à mon exemple de voiture, ça serait de dire à un très grand nombre de voitures, vous partez à telle heure, à telle heure, à telle heure, et les voitures pourraient foncer à travers les carrefours sans feu rouge, sans stop, sans risquer d'avoir des accidents. Donc voilà, donc pendant ma thèse, l'objectif donc du côté académique, c'est de développer des algorithmes pour choisir ces dates de départ. Et puis du côté industriel, chez Nokia Bell Labs, d'essayer de développer un petit prototype pour mettre tout ça en pratique. Merci beaucoup. Maël Giraud, une réaction peut-être à Alain Sibyl et Emilio Calvanes-Trinati à ces travaux? Effectivement, j'ai trouvé que c'est un travail très important, parce que la relation avec le cloud, le support du cloud, c'est vraiment le futur de réseau 5G, et aussi tout ce qu'on dit au niveau de l'intelligence artificielle, le support par l'intelligence artificielle vient par le support du cloud, et donc ce type de travaux sont vraiment des choses qui nous permettent de le faire marcher bien. Alain Sibyl. Oui, je pense que maintenant, enfin les réseaux, enfin pour rebondir là encore sur ce que dit Emilio, hein, ils deviennent de plus en plus intelligents entre guillemets, et les chercheurs développent des méthodes d'optimisation pour utiliser le plus efficacement possible ces ressources. C'est très complexe, et c'est vrai que si, bah, ne serait-ce que gagner 10%, 15% sur une performance d'un algorithme, ça peut représenter de la capacité, de l'énergie, de l'argent de façon très très importante. Donc il y a beaucoup de travaux, y compris des travaux très très académiques, sur des méthodes d'optimisation pour essayer de mieux faire fonctionner tous ces systèmes. Maël Giraud, vous restez avec nous, vous êtes le bienvenu pour intervenir jusqu'à la fin de cette émission. Mais justement, puisque vous parlez d'énergie, Alain Sibyl, c'est une autre... un autre des enjeux autour du déploiement de ce réseau 5G, cet enjeu énergétique, écologique évidemment. Comment faire pour que l'augmentation de la circulation de données ne fasse pas exploser le compteur énergétique? C'est la question que vous êtes allé poser chez Orange Labs. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est avec Dintui Fanui, qui est chercheuse chez Orange Labs, que j'ai cherché à comprendre comment les opérateurs comme Orange font en sorte de limiter la consommation d'énergie liée à l'arrivée de la 5G et à une circulation encore plus massive de données. Dintui Fanui m'a expliqué comment fonctionne la focalisation, c'est-à-dire une émission ciblée des données vers les outils qui se servent de la 5G, et comment cette focalisation peut permettre d'éviter une explosion de la consommation d'énergie liée à la mise en place de la 5G. On travaille sur la focalisation, donc c'est la possibilité d'émettre plutôt en direction de l'usager qui a besoin de recevoir les données, le SMS, la vidéo, etc., plutôt que d'émettre dans toutes les directions comme on fait aujourd'hui. Et cette technologie, maintenant, est une brique essentielle, la cinquième génération, parce qu'elle permet d'atteindre des hauts débits, de servir plus d'usagers en haut débit, et aussi de faire ça de manière plus efficace en énergie pour le réseau. Et mes travaux de recherche concernent aussi le coup d'après, donc les évolutions de la 5G. C'est comment faire fonctionner cette focalisation dont on connaît déjà les avantages pour des services qui sont plus compliqués à servir, tels que les petits objets connectés bas coût, et élargir l'application de la focalisation à ces nouveaux usages. Par contre, ça, c'est la recherche un petit peu plus amont. Je voudrais comprendre un petit peu en termes de dépenses énergétiques. Si la 5G fonctionnait sur les mêmes bases que la 4G, quels seraient les ratios et comment, finalement, la 5G serait très énergivore? Oui, donc en fait, si on faisait comme avant, c'est-à-dire si on laissait les stations de base émettre en toute direction, on dépenserait plus. Donc je peux vous donner un argument théorique qui est connu depuis très longtemps. En fait, c'est avec cet argument qu'il y a eu des développements scientifiques sur le sujet. Voilà, vous prenez un élément rayonnant qui transmet dans toutes les directions et vous émettez à une certaine puissance. Si au lieu de faire ça, vous prenez 10 éléments rayonnants et qu'ils sont intelligents et coordonnés de manière à transmettre dans une certaine direction, eh ben vous pouvez diminuer la puissance à émettre pour le même débit, pour la même puissance reçue au niveau de la cible, par 10. D'accord ? Donc ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique et la mise en œuvre, il y a plein d'éléments qui entrent en compte, la manière dont on l'implémente, les tailles des antennes, l'environnement de propagation, etc. Dans la pratique, on n'observe pas des gains aussi énormes, mais on sait, d'après les équipements qu'on est en train de voir, des équipementiers, qu'on a un gain d'énergie qui est considérable, important, intéressant. Et c'est pour ça que la focalisation est incontournable dans la 5G, surtout pour les fréquences plus élevées que les fréquences de la 4G, donc typiquement 3,5 GHz en France, ou les futures fréquences en millimétrique. Est-ce que, voilà, du coup, il va falloir installer de nouvelles antennes? Et si oui, de quel type elles seront? Et qu'est-ce que ça aura comme impact sur le ciblage, notamment de la transmission des communications, des informations? Oui, donc c'est une nouvelle génération de réseaux. Donc il y aura des nouveaux équipements. Mais par contre, l'idée, c'est plutôt de réexploiter les sites où les antennes actuelles sont déployées et si possible même d'empiler plusieurs générations sur le même site avec si possible en conservant même la même taille, quoi. C'est-à-dire la même taille d'antenne, arriver à mettre dedans plusieurs générations par rapport à la focalisation. Donc l'intérêt de la focalisation, c'est que avant, quand vous receviez un SMS, le réseau, il ne sait pas où vous trouvez. Donc, il fonctionne un peu comme un lampadaire ou comme la tour Eiffel. Et il émet dans toutes les directions, dans une zone de couverture. Donc, c'est hyper pratique. Ça a fonctionné depuis la 2G. Vous recevez votre message où que vous soyez. Mais ce n'est pas très efficace énergétiquement parce que finalement, ce message, il est diffusé ailleurs. Donc, l'idée, c'est de réduire tout ce qui est superflu, hein, tout ce qui est mis ailleurs, qui ne sert à rien, et de conserver ce qui est essentiel. Donc l'impact de la focalisation, c'est surtout au niveau réseau. On va être plus efficace énergétiquement et puis aussi on va pouvoir servir plus d'usagers en même temps. On va augmenter la capacité du réseau. Comment on fait ça du coup techniquement? Comment on arrive à ce degré de précision et comment on arrive à cibler finalement l'envoi, l'émission de l'information pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie? Pour expliquer la focalisation, j'aime bien utiliser un exemple de focalisation qui n'est pas encore aujourd'hui dans la 5G, mais qui ressemble beaucoup à des méthodes de focalisation qui existent dans la 5G. Et donc cette méthode, ça s'appelle le retournement temporel. J'aime bien utiliser cet exemple parce que ça permet de comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est que les smartphones, les devices 5G vont envoyer un bip, un signal pilote. Ce petit bip, cette séquence pilote, elle est connue du réseau et donc elle se propage dans le milieu et donc elle va être réverbérée par les obstacles, etc. Et donc au niveau de l'antenne relais, qui est équipée de plein de petits éléments capables d'écouter, on va enregistrer les bips et les échos des bips. On appelle ça estimer le canal de propagation entre le terminal mobile et l'antenne relais du réseau. Et donc, on reçoit plein d'échos, c'est quelque chose de complexe. Et il se trouve que si l'antenne relais émettait les bips et les échos qu'elle a reçus à l'envers temporellement, ce qu'on observerait, C'est donc la deuxième réaction que vous êtes en train de montrer. Dans une deuxième étape, on observerait une reconvergence des ondes vers le téléphone. On aurait en quelque sorte inversé le temps. Voilà, et donc cette idée d'utiliser la connaissance du canal de propagation à partir d'un bip du téléphone, en fait, pour focaliser vers lui, elle est utilisée par toutes les méthodes de focalisation, pas que le retournement temporel. Le retournement temporel, il met à l'envers les échos qu'il a reçus. Il y a d'autres méthodes différentes, mais c'est le même principe, c'est l'apprentissage. Donc en gros, votre téléphone, il va de temps en temps envoyer des petits bips qui vont permettre au réseau de focaliser vers lui et de le faire même dans des milieux compliqués où il y a de la réverbération, de l'écho, des obstacles, même à travers les murs, etc. Donc les avantages de cette méthode, c'est que du coup, l'antenne relais, au lieu d'émettre bêtement dans toutes les directions, elle va mettre beaucoup moins d'énergie dans la bonne direction, au bon moment, pour la personne qui est intéressée par cette énergie et ce message, quoi. Voilà ce réseau 5G qui serait finalement non pas énergivore, mais vecteur d'économie d'énergie compte tenu du volume de données supplémentaires qui va transiter. On a du mal quand même, c'est un peu contre-intuitif ou paradoxal d'imaginer que ce réseau va être moins gourmand en énergie, Alain Sibyl. Oui, enfin, c'est des efforts que font les équipementiers, tous les chercheurs qui développent ces technologies depuis de nombreuses années. Sinon, effectivement, passer de quelques kilobits à des gigabits, on aurait un gros problème. Mais une chose que je voudrais dire quand même, qu'on n'a pas encore dite, qui me paraît assez importante, c'est que le domaine énergétique est évidemment très essentiel pour nos sociétés, et on en consomme beaucoup, mais on va essayer... Trop, diraient certains. Oui, certainement, mais on va essayer quand même aussi de générer de l'énergie, des puissances. Il y a différentes solutions pour ça, qui peuvent être très locales. Et des recherches sont menées déjà depuis pas mal d'années. C'est dans le domaine des smart grids. Mmh. Smart grids, ça permet à des opérateurs de réseaux d'énergie électrique, par exemple, d'avoir des petites sources comme ça, mais il faut les gérer parce que il faut que cette énergie, elle peut être utilisée localement, elle peut être remontée vers le réseau. Et pour ça, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de données pour que les opérateurs de réseau sachent puissent utiliser efficacement cette énergie-là. Et effectivement, la 5G, entre autres, permettra de remonter toutes ces données et de savoir efficacement utiliser ces sources d'énergie. Donc ça fait partie, disons, dans les marchés, dans les développements technologiques, un petit peu des idées forces, vraiment d'exploitation de la 5G pour des besoins sociétaux importants. Emilio Calvanese-Strinati, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le réseau 5G ne va pas consommer moins d'énergie que la 4G, il va en consommer moins que n'en consommerait la 4G à puissance équivalente. Exactement. En fait, il y a 10 ans à peu près, il y a eu un grand travail de recherche mené par des industriels, des académiques. C'est un groupe qui s'appelait Green Touch, où en fait le but c'était de réduire d'un facteur 1000 la consommation énergétique du réseau. Pourquoi un facteur 1000? Parce qu'on prévoyait que sur une période de 10-20 ans, on avait un facteur 1000 d'augmentation de la capacité demandée. C'est en fait qu'on veut transmettre plus, mais avec le même budget d'énergie. Comment on fait? Les ingrédients sont plusieurs. Effectivement, la focalisation, on a dit que c'était très importante. La densification du réseau. Pourquoi la densification du réseau? Parce que si on émet avec une distance, on est plus proche entre la source et la destination, on doit mettre avec une puissance plus faible. En plus, avec le haut débit, qu'est-ce qu'on fait? On transmet avec un temps plus court. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le réseau peut être éteint, prêt à transmettre, mais ne consomme pas. Donc en fait, le fait d'avoir un plus fort débit, densifié et focalisé, effectivement nous permet d'améliorer l'efficacité des transmissions et donc réduire normalement le coût par chaque bit transmis. C'est-à-dire, ça c'est vrai, et en même temps, il y a aussi quelque chose à considérer, c'est que les usages qu'on introduit aujourd'hui nous portent à transmettre plus. Donc le réseau lui-même... Et à consommer plus aussi, à consommer exactement. Plus de données, que vous le disiez, voir regarder Netflix sur son téléphone dans le train, ça consomme beaucoup de volume de données, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Oui. Il y a quelques semaines, dans un week-end, un utilisateur d'un opérateur français a consommé plus que 700 gigabits de communication dans le week-end. C'est beaucoup. C'était la taille de mon disque dur il y a 10 ans. Oui, Alain Sibyl. Juste un petit élément. Il y a des retombées positives aussi du fait qu'on ait des plus petites cellules, parce que tout simplement, les émetteurs de ces stations de base, de ces points d'accès, ils vont émettre moins de puissance. Et comme ils émettent moins de puissance, ils ont moins besoin d'être refroidis, tout simplement. Et donc, par exemple, le système de climatisation qu'on a dans les stations de base, on va s'en affranchir beaucoup, de plus en plus. Et c'est un système qui consomme beaucoup d'énergie. C'est vraiment de l'énergie très mal utilisée. Oui, Emilio Calvanese-Strinati, en un mot. il y a aussi le fait qu'il y a deux types de consommation. On a la consommation du réseau, mais aussi la consommation des équipements. Et effectivement, avec le fait qu'on densifie le réseau et qu'on a un support du cloud, on réduit énormément la consommation des équipements. Pourquoi ? Parce que tout le calcul est déporté, il est fait ailleurs. Et donc, du coup, le device, uniquement, on a un outil d'affichage et connexion avec le réseau. Et pas de stockage. Oui, c'est ce qui fait dire aux opérateurs que la 5G va permettre d'augmenter très largement l'autonomie des batteries. Alors, j'aimerais dans ces dernières minutes qu'on adresse tout de même un peu les critiques, parce que les critiques sont assez nombreuses. Alors, il y a des critiques d'ordre sanitaire. Je vous posais une question, parce que ça, c'est toujours évidemment un peu difficile de trancher, mais il y a tout de même cet appel international qui a été lancé contre le déploiement de la 5G par notamment des médecins et des scientifiques, qui a été relayé il y a peu de temps sur Mediapart, qui mettent en garde contre l'exposition au rayonnement de radiofréquences. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'il y a une littérature scientifique à ce sujet, Alain Sibyl? C'est évidemment des questions qu'il est tout à fait légitime de se poser. Depuis qu'on a commencé à développer tous ces réseaux, il y a effectivement eu beaucoup d'études et aussi quelquefois beaucoup de polémiques. Bon, je pense que le fait de monter dans les fréquences, eh ben, ça oblige à revoir la question sous l'angle de l'impact des fréquences plus élevées. Mais il y a des effets physiques importants. Par exemple, quand on a des fréquences plus élevées, donc des longueurs d'onde plus petites, eh bien, il y a les ondes pénètrent beaucoup moins dans le corps humain, puisque souvent il s'agit du corps humain. Donc, le dépôt de l'énergie, il est plus sur une pellicule superficielle, sur la peau, sur les premiers millimètres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais c'est certainement s'il devait y avoir des effets, ça serait des effets différents. Donc, bien évidemment, il faut faire des études, mais il faut quand même être conscient, et là encore, c'est une retombée qui n'est pas inintéressante, que le fait d'avoir des cellules plus petites, quelque part, ça régularise l'énergie et la dose de rayonnement qu'on est susceptible de recevoir. Quand on a, par exemple, des antennes qui sont à des distances importantes, si on est tout près, bah, on se prend une puissance naturellement plus forte que quand on est très loin. Donc, le fait d'avoir des petites cellules, ça régularise quelque part. Et ben, après, il faut voir si effectivement ces puissances ont un impact ou non. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est très compliqué, mais il est clair qu'il faut certainement continuer à faire des études, bien sûr. Et mieux qu'Alain Striati. C'est une question certainement pour les spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste du domaine de la santé, mais le COA travaille dans ce domaine spécifiquement pour les communications. Par contre, ce qu'on peut voir en technique, c'est le fait de densifier le réseau, raccourcir la distance entre la source et la destination. Alors, on pourrait penser que ça veut dire qu'on reçoit plus de radiations. Une étude qui était faite pour la 4G, dans un projet payé par la Commission européenne, l'ExNet, a montré que si on reçoit un de réseau, on reçoit 60 de téléphones portables. C'est-à-dire, en fait, que réduire la distance entre l'antenne avec laquelle la communication et le téléphone nous permet de réduire énormément la radiation plus importante que c'est celle qui vient du téléphone. Aurélien Barreau, l'astrophysicien qu'on entendait tout à l'heure, qui est aussi engagé dans les causes environnementales, lui dénonce le réseau 5G en disant que ce sont des investissements considérables, énergétiques, que c'est finalement une sorte de progrès de science sans conscience n'est que rhume de l'âme, dirait Rabelais. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on le fait qu'il faut le faire? Est-ce qu'il est nécessaire de développer ce réseau maintenant? La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la structure de nos communications peut se dispenser de la 5G? On parlait du cloud aujourd'hui, on ne dispose plus rien. Est-ce que, en fait, cette course en avant, elle n'est pas déjà un peu perdue compte tenu de la structure de l'information, de la distribution de l'information dans notre société? Alain Sibyl, pour conclure. Non, il se trouve qu'on a toujours tendance à minimiser les besoins. Moi, je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé à avoir un ordinateur, en 81, il avait 64 kilo-octets de RAM. Et j'ai le chef de mon laboratoire, il m'a dit, mais tu vas jamais utiliser tout ça. Bon, ça fait sourire maintenant. Oui. Donc, on a tendance à dire, mais on n'a pas besoin de ça. Et ben, la réalité montre que dans nos systèmes, nos sociétés, on a de plus en plus de besoins. Et quelque part, bloquer ces besoins en disant, on n'a pas besoin de la technologie, probablement, c'est une vision un petit peu courte. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Sibyl. Je rappelle que vous allez présenter ce soir à 18h justement les perspectives technologiques de la 5G aux élus de la ville de Paris. Merci Emilio Calvanes-Trinati, merci Maëlle Giraud d'être venu nous présenter vos travaux de recherche. Un mot pour vous dire également, évidemment de retourner sur franceculture.fr pour vous renseigner sur cette magnifique image du trou noir de M87 étoile, cette photo qui a été prise et dont nous vous parlions tout à l'heure dans le journal des sciences. Un mot pour vous dire aujourd'hui que comme tous les mercredis, c'est le jour de retrouver les idées claires qui sont disponibles sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, ainsi qu'en podcast natif sur votre application de podcast favorite. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si la société aujourd'hui est plus violente qu'elle ne l'était hier. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Demain, nous reviendrons sur un événement historique dans l'espace aussi. Ça n'est pas la photo du trou noir, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans tout juste. C'était au mois de juillet, mais comme au mois de juillet, il n'y a pas de méthode scientifique parce que c'est les vacances. Demain, on vous parle des 50 ans, des premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.